إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 17 dans l'explication du livre معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة du Cheikh Dr. Abdussalam ibn Burgess al-Abdul Karim معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة, c'est-à-dire l'attitude, le comportement qu'on doit adopter envers les dirigeants selon ou bien à la lumière du Coran et de la Sunna, par opposition à l'attitude ou au comportement des Khawarij et des Mu'tazila et des Rafida et des groupes de Bid'a et des Kuffar et des démocrates, des laïcs et des anarchistes et des communistes et des laïcs et des socialistes et de tous les autres qui ont contredit la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de se comporter envers les dirigeants, c'est-à-dire ceux qui appellent à la révolte et aux rébellions et au coup d'état et au renversement et à l'indépendance ou à toutes sortes d'idéologies qui sont en contradiction avec l'islam, puisque l'islam appelle à rester uni. Donc ça c'est un point qui est très important. Lorsque tu vois par exemple des musulmans dans des pays musulmans et puis ils appellent à l'indépendance de notre partie du pays, alors que tous les deux parties du pays sont des musulmans. Donc ça c'est un exemple de division des musulmans. Et c'est un exemple de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit lorsqu'il nous a ordonné d'être avec la jama'a et de ne pas séparer ou diviser la jama'a et de rester autour du dirigeant. Même s'il est injuste, même s'il est injuste, même s'il a des péchés. Hein? Donc tout ça c'est des enseignements de sagesse de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui contredit tout ce que les gens, il y en a parmi les kuffars et les mushrikin et les mubtadi'a, ont ramené dans leur façon d'agir en ce qui concerne la politique. Donc le chapitre numéro 17 c'est un des derniers chapitres, ou sinon c'est le dernier chapitre du livre. Donc on va terminer ce livre aujourd'hui. Inch'Allah, il va rester seulement la lettre de conclusion. Donc on va terminer ça, Inch'Allah, aujourd'hui. Bi'idhnillah. Le titre de ce chapitre, c'est « Mashru'iyat al-du'a li-wulat al-amri bis-salah ». C'est-à-dire le fait qu'il est légiféré et ordonné dans l'islam de faire des invocations pour le bien du dirigeant. pour le bien du dirigeant. C'est-à-dire pour que Allah subhanahu wa ta'ala réforme le dirigeant et le rende meilleur et le rende bon. Donc de faire des du'as pour lui et non contre lui. Donc le cheikh il cite, il dit salatu ulatil amri. Donc c'est pas une citation, c'est lui-même qui explique ça en commençant. Il dit salahu ulatil amri matlabun li kulli muslimin ghayurin ala dinihi. Barakallahu fik. إذ صلاحهم صلاح للعباد والبلاد كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته اعلموا أن الناس لن يزالوا بخير ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهم أخرجه البيهقي في السنن كتاب قتال أهل البغي باب فضل الإمام العادل بإسناد صحيح وفيها أيضا عن القاسم ابن مخيمرة قال إنما زمانكم سلطانكم فإذا صلح سلطانكم صلح زمانكم وإذا فسد سلطانكم فسد زمانكم. Donc le cheikh il dit, pour commencer, que le bien du dirigeant, c'est quelque chose qui doit être recherché. Hein? Le fait que le dirigeant soit bon, eh bien, c'est quelque chose qu'on devrait rechercher. Que chaque musulman qui a un sentiment de jalousie et d'honneur pour sa religion, il devrait rechercher à ce que son dirigeant soit bon. Parce que par le fait que le dirigeant soit bon, il y a un bien dans cela pour les musulmans, pour les serviteurs, pour les êtres humains, et pour les pays et les contrées. Et comme Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit au moment de sa mort, sachez que les gens resteront dans le bien, ou resteront bien ou bon, tant que leurs dirigeants et leurs guides seront sur le droit chemin ou sur la droiture, sur l'istiqama, sur le fait de rester ferme sur la droiture et la vérité. Donc tant que les dirigeants sont sur la droiture, les gens vont rester bons. Et ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi dans As-Sunan. Et c'est dans le chapitre ou dans le livre du combat contre les transgresseurs, le chapitre au sujet du mérite de l'imam qui est juste, et c'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Il y a également une autre narration ou une autre parole qui est mentionnée selon Al-Qasim ibn Mukhaymara qui a dit votre temps n'est rien d'autre que vos dirigeants. Votre temps ou votre époque n'est rien d'autre que vos dirigeants. Si vos dirigeants sont bons, alors vos époques, votre époque sera bonne, ou votre temps sera bon. Az-zaman dans le sens de l'époque ou du temps, d'une période. Et si vos dirigeants sont corrompus ou mauvais, eh bien, votre époque sera mauvaise, sera corrompue. Donc, il dit le cheikh, « وَصَلَاحُ الْوُلَاتِ إِلَى اللَّهِ وَصَلَاحُ الْوُلَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَكَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ تَعَالَى وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ بالهداية والتوفيق إلى طاعة الله تعالى والسير في مرضاته لأن نفع ذلك يعود على كل مؤمن بالخير في الدين والدنيا. Donc le cheikh il dit que le fait que les dirigeants soient bons, c'est quelque chose qui revient à Allah seul, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il guide qui il veut vers le droit chemin. Il dit c'est un devoir pour chaque croyant en Allah et au jour dernier de faire des invocations à Allah pour qu'il guide, hein, pour qu'il guide et qu'il donne le succès d'atteindre ou d'obtenir l'obéissance d'Allah et d'avancer dans son agrément. Hein, c'est-à-dire, c'est un devoir pour chaque musulman d'invoquer Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide et donne le succès d'être dans l'obéissance d'Allah aux dirigeants, de donner la guidance aux dirigeants et de leur donner le succès d'obéir à Allah et d'avancer vers son agrément. Parce que dans ça, il y a un bienfait qui revient à chaque croyant et qui ramène un bien pour chacun d'entre eux dans leur religion et dans la dunya. Donc le bien du dirigeant, ce n'est pas un bien seulement quand on demande que Allah fasse que les dirigeants soient bons. Ce n'est pas seulement un bien qu'on fait pour ces dirigeants-là. Mais c'est un bien qu'on fait pour tout le monde, parce que c'est quelque chose qui va avoir des conséquences et des répercussions positives pour tout le monde s'il est bon. Tandis que s'il est mauvais, ça a des répercussions négatives pour tout le monde. Donc le cheikh il dit ensuite, « ذكر ابن المنير المالكي رحمه الله في الانتصاف أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له أتدعو له وهو ظالم فقال أي والله أدعو له إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne une parole qui est mentionnée par Ibn al-Munayyir al-Maliki dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Intisaf. Et le titre au complet c'est Al-Intisaf fima tadammanahu al-kashaf min al-i'tizal. Donc en même temps c'est une réfutation du tafsir qui s'appelle Al-Kashaf. Je pense que c'est de Az-Zamakhshari ou d'Al-Razi, un des Mu'tazila. Il a fait un tafsir dans lequel il a rempli ses interprétations des idéologies des Mu'tazila. Alors il a fait un livre pour clarifier ça et expliquer qu'est-ce qui était de la position des Mu'tazila dans son tafsir. Et dans ce livre-là, il a dit que certains des salafs, on a cité que certains parmi les salafs ont fait une invocation pour un dirigeant qui était injuste. Celui qui éternue, il dit Alhamdulillah, et la personne dit Yarhamukallah, et on répond Yahdikumallah wa yuslihu balakum. Barakallahu fik. Donc c'est ça. Il y a certains d'entre les salafs qui ont fait des invocations pour un dirigeant qui est injuste. Alors quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu invoques pour lui et tu fais des doigts pour lui alors qu'il est injuste? Hein, la personne s'étonne et pose la question. Alors il répond et il dit, oui certes, par Allah, je fais des invocations pour lui. Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala repousse du mal en le gardant est plus important et plus grand que ce qui serait repoussé en l'enlevant de sa position. Et ça, c'est la fin de la citation. Wa akhraj al-Bayhaqi fi shu'ab al-Iman an Abi Uthman Sa'id ibn Ismail al-Wa'idh al-Zahid أنه قال بعد روايته لحديث تميم الداري مرفوعا الدين النصيحة قال فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين ولكن ادع لهم بالتوبة واترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. انتهى كلامه. Et donc le cheikh il rapporte ensuite, il dit qu'il est rapporté selon Al-Bayhaqi dans son livre Shu'ab al-Iman, les branches de la foi, selon Abi Uthman Saïd ibn Ismail, qui était un grand exhortateur et un homme qui se détachait des choses de la dunya, un homme très pieux. Et il a dit, après avoir mentionné le hadith de Tamim ibn Aws al-Dari radiallahu anhu, en mentionnant les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith très célèbre Ad-Din al-Nasiha, la religion c'est la sincérité, ou bien c'est le bon conseil. Il a dit, après avoir mentionné ce hadith-là, il a dit, alors sois sincère envers le dirigeant et donne-lui le bon conseil et fais beaucoup de dua pour lui, pour que Allah le rende bon et pour que Allah subhanahu wa ta'ala le mette sur la droiture qu'il soit sur la droiture dans ses actions, dans ses paroles, dans ses actions et dans son jugement. Parce que si les dirigeants sont bons, deviennent bons, alors dans ce cas-là, il y aura, par le fait qu'ils sont bons, eh bien, il y aura une bonne conséquence, où il y aura un bien pour tous les serviteurs par rapport à ce bien-là, du fait que ces dirigeants-là sont devenus bons. Et il dit après, et prends garde de faire des invocations contre eux pour implorer contre eux la malédiction. Parce que dans ce cas-là, ils vont augmenter en mal. Et le malheur des musulmans va augmenter par conséquent, mais plutôt, au lieu d'invoquer contre eux, et contre eux et de demander pour eux la malédiction, au lieu de ça, demande pour eux la repentance et abandonne ou abandonner le mal. Et ainsi, le malheur sera retiré des musulmans. Fin de la citation. Ensuite, le cheikh Abdussalam, rahimahullah, il dit « وَلَقَدْ اِعْتَنَى عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِهَذِهِ الْقَضِيَّةِ الدُّعَاءُ لِوِلَاةِ الْأَمْرِ عناية واضحة وتجلت في صور ناصعة رائعة منها أولا إيداع الأمر بالدعاء لولاة الأمر في مختصرات العقائد السلفية التي يطالب المسلم باعتقاد ما فيها لكونه مبنيا على الحجج الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة وسيأتي نموذج من ذلك إن شاء الله. Donc qu'est-ce qu'il explique ici le cheikh? Il dit que les ulama des musulmans se sont préoccupés de cette question, c'est-à-dire de l'invocation en faveur des dirigeants, et ils ont donné à ça une grande occupation, c'est-à-dire ils se sont préoccupés de ça de façon très claire, et ils l'ont exprimé de différentes façons qui sont très intéressantes et très bénéfiques. Premièrement, il dit le fait qu'ils ont mentionné l'importance de faire des invocations en faveur du dirigeant dans leur livre de Aqidah et les résumés de la Aqidah Salafiyah, que les musulmans sont demandés ou sont exigés de croire en ce qu'ils contiennent comme clarification des principes de la croyance et de la foi islamique, parce que ces livres et ces résumés de la aqida des salafs sont basés sur des preuves de la charia, du Coran et de la sunna, et du consensus des imams de l'islam. Et nous allons, ou bien plutôt, il y aura des exemples de cela qui seront mentionnés, Inch'Allah, plus tard. Après, il dit, comme deuxième point, تخصيص بعض العلماء الإسلام والسنة مؤلفا في ذلك فقد ألف الإمام العلامة المفتي المحدث الرحال بقية السلف سيد المعمرين أو المعمرين الأخيار علم السنة يحيى بن منصور الحراني الحنبلي المعروف بابن حبيشي بابن الحبيشي كتابا سماه دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام. وابن الحبيشي هذا له مناقب جمة عدد بعضها ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، فكان منها قول الحق وإنكار المنكر على من كان، ولم يكن عنده من المداهنة والمراءاة شيء أصلا، بل يقول الحق ويصدع به، انتهى كلامه. وإنما ذكرت ذلك ليعلم أن علماء الإسلام والسنة يؤلفون في هذه الأمور بعيدا عن الأغراض الدنيئة الدنيوية، بل ألفوا في ذلك ديانة لله تعالى وخوفا على الأمة من الاختلاف المؤدي إلى الهرج والمرج، وهو الخلاف على السلطان. دونك الشيخ يلزي ensuite فلا تغتر بأولئك المنافقين الذين ينهون عن التأليف بل الحديث في ذلك ويرجفون بأن ذلك مداهنة ورياء، بل هو دين وشرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc qu'est-ce qu'il explique le cheikh comme deuxième point, c'est que certains entre les imams et des ulama de l'islam et de la sunna ont écrit des livres spécifiquement sur ce sujet. C'est-à-dire qu'ils ont écrit des livres spécifiquement sur le sujet de faire des du'as en faveur du dirigeant. Il dit qu'il y a un grand imam, un mufti, un muhaddith. C'est un mufti, un muhaddith, un rahal, c'est-à-dire un savant qui a fait de nombreux voyages dans la quête de la science. Et c'est pas juste un ou deux voyages, mais c'est qu'il a passé une grande partie de sa vie à partir d'une ville à l'autre pour recueillir la science du hadith et les hadiths des ulama de hadith. Et c'était un des restants parmi les salafs à son époque et un des maîtres parmi les bons vivants de son époque, les pieux, les hommes pieux de son époque et vertueux. Et parmi les gens qui portaient, qui représentaient une bannière de la sunna à leur époque. Et son nom, le nom de ce grand imam, c'est Yahya ibn Mansour al-Harrani al-Hanbali, qui est connu par le surnom de Ibn al-Hubayshi. Et il a un livre qu'il a écrit qui s'intitule دعائم الإسلام في وجوب الدعاء للإمام، c'est-à-dire que parmi les principes de l'islam, l'obligation de faire des invocations en faveur du dirigeant. Et Ibn al-Hubayshi, c'est un imam qui avait de nombreuses qualités et qui était un imam qui avait une grande renommée et des grandes qualités par rapport à son comportement, par rapport à son attitude, par rapport à sa science, qu'est-ce qu'on appelle des manaqib, des mérites, des grands mérites. Et parmi les ulama, il y a le Cheikh Ibn Rajab al-Hanbali qui a écrit dans son livre Zayl al-Tabaqat al-Hanabila, il a mentionné parmi ses qualités que c'était quelqu'un qui disait la vérité et qui dénonçait le mal peu importe la personne qui le faisait, et qu'il n'avait aucune mudahana et mura'a, C'est-à-dire, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui faisait aucun compromis. Aucun compromis dans la religion, ou qui essayait pas de transiger en quoi que ce soit dans qu'est-ce qu'il y avait rapport avec la religion, ou bien d'essayer d'agir pour se faire voir ou se faire remarquer ou des choses comme ça. Il dit que c'est quelqu'un qui disait la vérité peu importe, et qui faisait résonner la vérité. Donc ça, c'est la fin des qualités, ou pas des qualités, mais plutôt des paroles qui ont été mentionnées dans ce passage au sujet des qualités de cet imam, ou de certaines de ses caractéristiques. Donc il dit ensuite, le cheikh de Salam, qu'il a uniquement mentionné ça pour que les gens puissent savoir que les ulama de l'islam et de la sunna, lorsqu'ils écrivent des livres au sujet de l'obligation, par exemple, de faire des invocations pour le dirigeant et de demander du bien pour eux, ils écrivent des livres comme ça, et quand ils le font, ils sont très très loin des intérêts bas et des intérêts mondaines de la vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ça pour plaire. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il veut dire le cheikh? C'est qu'ils ne font pas ça pour plaire aux dirigeants. Les imams des salafs, quand ils écrivent un livre pour dire aux gens « Vous devez faire des invocations pour les dirigeants », c'est pas, ils écrivent pas ça pour que les dirigeants les aiment ou pour que les dirigeants soient contents d'eux. Ils écrivent ces livres-là, c'est pour justement défendre la sunna et réfuter la bid'a des khawarij et des mu'tazila et défendre la vérité de l'islam. Donc c'est pas pour le dirigeant qu'ils le font, mais c'est pour défendre la vérité de l'islam et réfuter les mensonges et les égarements et les falsifications des mubtadi'a parmi les khawarij et les mu'tazila et les rafida et les autres groupes d'égarements qui opposent le principe de l'islam, du Coran et de la sunna et de ce que les salaf ont suivi. Et il dit donc qu'ils ont écrit ça. Et ils l'ont écrit pour Allah subhanahu wa ta'ala, et comme faisant partie de la religion d'Allah, et par crainte pour la divergence dans la Ummah, qui ramène des chaos et des désordres et des tueries et des massacres et du désordre et toutes sortes de problèmes. Et tout ça, c'est le fait de vouloir contredire le dirigeant. Donc il dit, ne te laisse pas impressionner ou ne te laisse pas tromper par ces hypocrites qui veulent interdire d'écrire des livres, même de parler au sujet du fait de faire des invocations en faveur des dirigeants, et qui essaient de faire peur aux gens ou de les décourager, d'inciter à faire cela par complaisance ou par transigeance ou par ostentation. Bal huwa dinun wa shara, et plutôt ça fait partie de la religion et de la révélation et de la législation d'Allah. D'accord. Et ensuite le cheikh il dit comme troisième exemple, troisième point, thalithan, جعل بعض العلماء المحققين علامة من كان سنيا سلفيا الدعاء لولاة الأمر وعكسه من كان مبتدعا ضالا دعا على ولاة الأمر. قال العلامة البربهاري رحمه الله في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. انتهى كلامه. فأنت ترى هذا الاهتمام القوي من السلف بالدعاء لولاة الأمر واضحا جليا، وهم في ذلك متبعون سالمون من الهوى، مقدمون لنصوص الشريعة على حظوظ النفس وما تهوى. Donc le cheikh il dit également comme point numéro 3, il y a ce que les ulama et les vérificateurs parmi les ulama de l'islam ils ont mentionné au sujet de qu'est-ce qui représente une distinction hein, et un signe que quelqu'un est un vrai sunni, un vrai salafi. Et ils ont mentionné parmi ces exemples de qu'est-ce qui fait de quelqu'un un vrai sunni et un vrai salafi, c'est qu'il fait des invocations pour le dirigeant. Et ils ont mentionné le contraire de ce qui caractérise le mubtadi' et l'égaré, que c'est celui qui fait des doigts contre les dirigeants. Et ils mentionnent les paroles du grand savant, l'imam al-Barbahari, rahimahullah, dans son livre Sharh al-Sunnah, dans lequel il mentionne, si tu vois un homme qui invoque contre le dirigeant, sache que c'est une personne de la passion, c'est-à-dire un mubtadi', quelqu'un qui est un égaré, un innovateur, quelqu'un qui est sur la passion. Mais si tu vois un homme qui invoque en faveur du dirigeant pour le bien, alors sache que c'est quelqu'un qui est sur la sunna, Inch'Allah. Fin de la citation de l'imam al-Barbahari. Après, le shaykh il dit, donc tu vois l'importance très forte que les salafs ont mis dans le fait de faire des invocations en faveur du dirigeant, et que cela est clair et évident et apparent parce qu'ils suivent dans cela la sunna et qu'ils sont exempts de la passion et qu'ils mettent au devant d'eux-mêmes les textes de la charia sur yani, les désirs de leur âme et les passions de l'âme. Ensuite, le cheikh il dit وإليك أيها الموفق جملة مما جاء عن أهل السنة المرضيين في ذلك. Il dit ici, on va te mentionner, ô toi qui a été à qui le succès a été donné de connaître et de suivre la sunna à ce sujet, quelques exemples de ce qui a été mentionné dans les livres et les paroles des gens de la sunna qui ont été agréés à ce sujet. Il dit comme premier exemple, أخرج الخلال في السنة عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال عن الأمير إنه مؤمر عليك مثلك فإن اهتدى فاحمد الله وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. Donc la première exemple, c'est la parole de l'imam al-Khallal dans son livre al-Sunnah, selon Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, qu'il a dit à propos du dirigeant, إِنَّهُ مُؤَمَّرٌ عَلَيْكَ مِثْلُكُ. Bon, ici je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, mais il dit, فَإِنْ اِهْتَدَى فَأَحْمَدِ اللَّهِ. C'est-à-dire, s'il est bien guidé, remercie Allah et fait la louange d'Allah. Mais s'il agit selon autre que cela, alors invoque pour lui, demande pour lui à Allah la guidance. D'accord? Donc il dit, إِنَّهُ مُؤَمَّرٌ عَلَيْكَ مِثْلُكَ فَإِنْ اِهْتَدَى فَأَحْمَدِ اللَّهِ. Donc c'est ça. Et donc, s'il fait le bien et s'il est bien guidé, yani, il glorifie Allah. Mais s'il fait autre que ça, c'est-à-dire s'il fait du mal, invoque Allah pour que Allah le guide. Et ne le contredis pas pour que tu t'égares. C'est-à-dire ne contredis pas son commandement dans ce qui est bien. Sinon tu vas t'égarer. Et ensuite il mentionne un autre exemple. أخرج أبو نعيم, le deuxième exemple, أخرج أبو نعيم في الحلية حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد الصمد بن يزيد البغدادي ولقبه مردوي قال سمعت الفضيل بن عياض يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال متى صيرتها في نفسي لم تجزني. متى صيرتها في الإمام يعني عمت. فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك جبهته وقال يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك. إسناده صحيح. محمد بن إبراهيم هو أبو بكر المشهور بابن المقرئ الإمام محدث أصبهان الحافظ الثقة راوي المسند الكبير عن أبي يعلى صاحب السنة. وعبد الصمد ابن يزيد هو أبو عبد الله الصائغ المعروف بمردويه خادم الفضيل بن عياض. قال ابن معين لا بأس به ليس ممن يكذب. وقال الحسين ابن فهم كان ثقة من أهل السنة والورع. انتهى كلامه من تاريخ بغداد. Deuxième exemple, c'est qu'est-ce qui a été rapporté par Abu Nu'aym dans Al-Hilya. Il dit qu'il nous a été rapporté par Muhammad ibn Ibrahim, qui nous a mentionné que Abu Ya'la al-Mursili nous a mentionné que Abdus Samad ibn Yazid al-Baghdadi, et il a été surnommé Mirdawayh, il a dit qu'il a entendu Al-Fudayl ibn Iyad, le grand imam, qui disait « Si j'avais une seule invocation qui est exaucée, c'est-à-dire que si j'ai une invocation que je suis certain que Allah va l'exaucer, je l'aurais gardé et je l'aurais fait, fait exprès pour l'imam. C'est-à-dire, je l'aurais gardé, cette invocation-là, pour le bien, hein, pour qu'Allah guide le dirigeant et pour qu'Allah fasse du bien au dirigeant. Pourquoi, hein, il a dit, on lui a posé la question, et pourquoi, ô Aba Ali, pourquoi tu aurais gardé cette invocation exaucée pour le dirigeant? Il a dit, parce que si je la fais pour moi-même, ça va pas me servir plus que ça, parce que ça va être juste pour moi. Tandis que si je fais cette invocation-là et que je la garde pour le dirigeant et pour que Allah l'oriente et le rende bon et meilleur, eh bien, ça va être quelque chose qui va ramener un bien qui est général, un bien pour tout le monde, parce que tout le monde va profiter de ce bien-là. Parce que il dit, parce que l'imam, lorsqu'il est bon, eh bien, ça fait que tout le monde reçoit de ce bien parmi les serviteurs et parmi les différentes contrées et les différentes villes. Tout le monde va profiter du bien. Alors, à ce moment, l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, qui était avec Fudayl ibn Iyad, il lui a embrassé le front. Il lui a embrassé le front et il lui a dit, « Oh, toi qui enseignes le bien, qui peut expliquer ce genre de choses ou donner des bons exemples mieux que toi, hein? Qui peut donner des exemples meilleurs que toi, hein? En voulant dire que il c'est quelqu'un qui a une bonne compréhension de la religion et que sa compréhension est remplie de sagesse, hein, dans la religion. Et donc il dit que c'est une chaîne de transmission qui est authentique. Mohammed ibn Ibrahim, il dit que son nom c'est Abu Bakr et il est bien connu sur le nom de Ibn al-Muqri, et c'est un imam dans l'islam et c'est un muhaddith, un savant de hadith. C'est même le plus grand savant de hadith de son époque dans la ville de Asbahan, et c'est un grand savant, un hafiz, c'est-à-dire il a mémorisé une grande portion de la sunna. Et c'est quelqu'un qui est thiqa, c'est-à-dire il est considéré par les ulama comme étant quelqu'un de fiable. Il s'appelle Muhammad ibn Ibrahim Abu Bakr ibn al-Muqri de Asbahan, de la région de l'Iran, en Asbahan. Parce qu'il y a des milliers de grands imams comme ça parmi les imams de la Sunna et du Hadith à l'époque des Salafs. Et donc il y en a beaucoup qu'on n'a jamais peut-être entendu leur nom, mais qui sont très très connus ou qui sont très très grands dans la science, mais c'est seulement les savants qui les connaissent. Tu vois? Donc ça c'est un exemple. Et il a rapporté la grande Musnad selon Abi Ya'la. Et c'est quelqu'un qui était sur la Sunna. Il y a aussi dans la chaîne de transmission Abdus Samad ibn Yazid al-Baghdadi. Son nom c'est Abu Abdillah, ou sa kunya c'est Abu Abdillah, et son surnom c'est As-Sa'ir, et il est connu par le nom de Mardawi. Mardawi, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et c'était le servant de Al-Fudayl ibn Iyad. Al-Fudayl ibn Iyad, c'est un grand imam parmi les imams des salafs. Et Mardawi, eh ben, c'était son servant. Son servant, c'est-à-dire celui qui travaillait pour lui. Et Ibn Ma'in, un des grands ulama, il dit il était bon. Il n'avait pas de mensonge. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui mentait. Et il a dit, Al-Hussein ibn Fahm a dit de lui que c'était quelqu'un de fiable parmi les gens de la Sunna et de la piété. Fin de la citation tirée du livre de Tarikh Baghdad. Troisième exemple de citation à ce sujet, c'est ce qui a été rapporté encore une fois par Al-Khallal. Il dit, Akhraj al-Khallal fi Sunna an Hanbal anna al-Imam Ahmad قال عن الإمام إن وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد وأرى ذلك واجبا علي. وأخرج أيضا عن أبي بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال إني لأدعو له بالصلاح والعافية وقال لئن حدث به حدث لتنظرن ما يحل بالإسلام أو لتنظرن ما يحل بالإسلام. Donc le cheikh il dit, il a été rapporté par Al-Khallal dans la Sunna selon Hanbal que l'imam Ahmad ibn Hanbal a dit au sujet du dirigeant, j'invoque pour lui pour que Allah lui donne la droiture et le succès jour et nuit et qu'il le supporte, et je considère cela comme étant obligatoire pour moi. Ça c'est rapporté dans Al-Sunna de Al-Khallal. Et la parole de l'imam Al-Fudayl ibn Iyad qu'on a lu tout à l'heure, si j'avais une seule invocation exaucée, je l'aurais laissée pour le dirigeant. Eh bien, elle a été rapportée également de l'imam Ahmad ibn Hanbal aussi. Et il a été rapporté selon Abi Bakr ibn al-Marouzi, qu'il a dit, j'ai entendu Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmad, qui a mentionné le khalifa al-Mutawakkil, rahimahullah, et il a dit à son sujet, J'invoque pour lui le bien et le pardon. C'est-à-dire, il faisait des doigts pour lui pour que Allah le rende bon et pour qu'il l'augmente en bien et pour qu'il le pardonne. Et il a dit, et si il lui arrivait un accident ou quelque chose, vous verrez ce qui va arriver à l'islam. Donc, il craignait que quelque chose lui arrive. Et c'est ça qui arrive lorsqu'on a un dirigeant qui est bon et un dirigeant qui est fort sur l'islam et sur la sunna. On a peur pour lui qu'il lui arrive un malheur ou qu'il lui arrive quelque chose et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va être après lui et qui va le remplacer. Donc ça c'est une grande grâce quand on a un dirigeant qui est pieux ou un dirigeant qui est fort, qui aime l'islam, qui aime la sunna, qui aime la sharia d'Allah, qui aime le, yani le bien et qui dépense de ses biens pour propager la religion d'Allah, pour propager l'enseignement de l'islam et tous ces exemples-là. Et les gens, Allah al-Musta'an, subhanallah, ils ne donnent pas à ça aucune importance aujourd'hui, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Tu vois par exemple les rois qui sont passés en Arabie Saoudite et qui ont été des grands rois et qui ont fait des grandes choses pour l'islam. Le roi Abdelaziz, hein, le roi Abdelaziz al-Sheikh, hein, Abdelaziz ibn Saoud et ses fils, mashallah, qui ont défendu l'islam, qui ont fait beaucoup de travail pour élever la parole d'Allah, pour enseigner le tawhid, pour ils ont fait ouvrir des universités et ils ont imprimé le Coran et ils ont fait imprimer et publier des livres et ils ont fait que les ulama soient honorés et respectés et que leurs paroles soient entendues. Hein? Et donc tout ça c'est des exemples comment ils ont le respect et l'amour de l'islam et ça reste encore aujourd'hui, hein? Et donc tout ça c'est des signes, hein? Tout ça c'est des exemples et ça a toujours été comme ça à travers l'histoire de l'islam et c'est pour ça que les koufars aujourd'hui détestent l'Arabie Saoudite et les gens de Bid'a, ils détestent l'Arabie Saoudite parce que c'est le dernier parmi les pays musulmans qui continue à s'accrocher à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à la compréhension des salaf al-salih. Et ceux qui ont contredit cette voie, ils sont yani, enragés par la vérité, enragés par la lumière de l'islam et de la sunna. Et donc c'est pour cette raison qu'ils essaient de les dénigrer ou de parler d'eux en mal. Mais alhamdoulilah, il y aura toujours un groupe victorieux qui va rester sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Et ceux qui vont s'opposer à eux ou qui vont qui vont les contredire ou qui vont les abandonner ne leur feront aucun tort. Hein? Ensuite, le numéro 4, l'exemple numéro 4 que le cheikh il a mentionné, c'est l'exemple de la parole de l'imam Abu Uthman al-Sabouni dans son livre Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith. Et cet imam Abu Uthman al-Sabouni, il est mort en l'an 449 de la Hijra. Donc c'est un des imams parmi les imams des Salaf. Son livre c'est la Aqida des Salaf et des compagnons ou des gens du Hadith. Dans ce livre il dit à propos des salaf et de leur manhaj et de leur aqida, il dit وَيَرَوْنَ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْإِصْلَاحِ وَالتَّوْفِيقِ وَالصَّلَاحِ وَبَسْطِ الْعَدْلِ فِي الرَّعِيَّةِ انتهى كلامه. Donc quatrième exemple, la parole de l'imam al-Sabouni dans son livre Aqidatu al-Salaf wa Ashab al-Hadith, il dit et il voit comme étant une obligation de faire des invocations pour les dirigeants, pour qu'ils soient bons, pour que Allah les rende bons, pour que Allah leur donne le tawfiq, pour qu'ils soient réformés et pour qu'ils répandent la justice parmi le peuple. Donc ça c'est la fin de cette citation. Pour dire que ça fait partie de la aqida des salafs et du manhaj des salafs. Après il dit comme point numéro 5, وَقَالَ الْبَرْبَهَارِ أَبُو مُحَمَّدْ إِبْنُ الْحُسَيْنِ إِبْنُ عَلِيِ المتوفى سنة 329 هجريا في شرح السنة فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Barbahari Abu Muhammad ibn al-Hussein ibn Ali qui est mort en l'an 329 de la Hijra, on a parlé de lui tout à l'heure, et bien ce grand imam il a écrit dans son livre As-Sunnah, nous avons été ordonnés d'invoquer le bien pour le dirigeant. Et nous n'avons pas été ordonnés d'invoquer contre eux, hein, d'invoquer contre les dirigeants. Même s'ils font de l'injustice et de la tyrannie, parce que leur injustice et leur tyrannie est contre eux-mêmes, tandis que leur bien, c'est un bien qu'ils ont pour eux-mêmes et pour les musulmans, au complet. Donc ça, c'est plus important. Et ça, c'est la fin de cette citation. Après, la citation numéro 6. قال أبو بكر الإسماعيلي المتوفى سنة 73 في اعتقاد أهل السنة ويرون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلى العدل انتهى كلامه فحقيق على كل رعية أن ترغب إلى الله تعالى في إصلاح السلطان وأن تبذل له نصحه وتخصه بصلاح دعائها فإن في صلاحه صلاح العباد والبلاد وفي فساده فساد العباد والبلاد انتهى كلامه. Donc l'imam Abu Bakr al-Ismaili, c'est un parmi les imams des salaf aussi, et il est mort en l'an 371. Et il a un livre qui s'intitule « La Aqida des gens de la Sunna ».« La Aqida des gens de la Sunna ». Il dit dans ce livre, et les gens de la Sunna voient qu'il est obligatoire d'invoquer pour le bien les dirigeants. Et de les orienter ou de les guider vers la justice. C'est-à-dire tu invoques Allah pour que Allah les rendent bons et les amènent vers la justice. Ça, c'est la fin de la première partie de la citation. Puis il dit, et donc c'est une réalité que les gens de tous les éléments du peuple et tous les musulmans doivent demander et vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils réforment leurs dirigeants et qu'ils fassent des efforts pour lui donner le bon conseil et pour être sincère envers lui, hein, et de lui faire des du'as spécifiques pour lui seul, c'est-à-dire de lui faire des du'as spécifiques pour lui, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le rende meilleur et le rende bon et l'améliore dans sa religion. Et pourquoi? Parce que dans le fait que ce dirigeant-là devienne meilleur, il y a un bien pour les hommes et pour les pays et pour les villes. Hein? C'est tout le monde qui en profite. Et s'il devient mauvais et corrompu, eh bien ça c'est une corruption pour les hommes et pour les villes et tous les pays. Donc, il y a un bien de faire des invocations pour le dirigeant. Ça c'est la fin de la citation. La citation dernière qui est mentionnée, c'est la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr. Il dit... أنشد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أحمد ابن عمر ابن عبد الله أنه أنشد لنفسه نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء نسأل الله صلاحا للولاة الرؤساء فصلاح الدين والدنيا صلاح الأمراء فبهم يلتئم الشمول على بعد التنائي. Donc c'est pour dire que l'imam Ibn Abd al-Barr, il a mentionné dans son grand livre qui s'intitule Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadlihi, un des meilleurs livres au sujet des mérites et de l'importance de la science, écrit par ce grand savant, ce grand imam parmi les salafs, l'imam Ibn Abd al-Barr al-Andalusi, al-Qurtubi, hein, al-Maliki, un grand imam parmi les ulama de l'Andalousie à l'époque. Il dit, selon Ahmed ibn Omar ibn Abdullah, qu'il a dit, hein, pour lui-même, on demande à Allah le bien pour nos dirigeants et nos chefs et nos, nos responsables. Parce que il y a dans ça un bien pour la religion et pour la dunya, dans le fait que les dirigeants soient bons. Et parce que c'est par eux que tout reste ensemble, les musulmans restent unis. Ou quelque chose dans ce sens. Et il y a une autre citation, je ne l'avais pas remarqué, mais il y avait la huitième citation, c'est la parole de l'imam Al-Jurri. L'imam Al-Jurri, dans son livre Al-Sharia, qui est un des grands livres de la Aqidah des Salaf aussi. Et cet imam, قال الأجري المتوفى سنة 63 هجريا في كتابه الشريعة يقول وقد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم فصبر على جور الأئمة ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين فصلى خلفهم الجمعة والعيدين فمن كان هذا وصفه كان على صراط المستقيم إن شاء الله انتهى كلامه فهذه جملة مختارة من نصوص السلف تكفي وتغني لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Donc le cheikh, il termine ces paroles des salafs au sujet de l'invocation pour les dirigeants en mentionnant la parole d'un des imams des salafs qui s'intitule, ou plutôt qui s'appelle Al-Jurri, qui est mort en l'an 360, et il explique dans son livre qui s'intitule Al-Sharia, qu'il dit « J'ai mentionné au sujet de l'avertissement contre les voies des Khawarij, ce dans quoi il y a une explication claire pour celui que Allah a préservé des voies des Khawarij et qui n'a pas adopté leur opinion et qui a été endurant face à l'injustice des dirigeants et qui a fait des invocations pour le bien des dirigeants, pour qu'ils deviennent bons et meilleurs, et qui a fait le hajj avec eux, et qui a lutté contre tous les ennemis des musulmans avec eux, et qui a prié le Jumu'ah et les deux Eid derrière eux. Et celui qui a respecté cette description, alors il est sur le droit chemin, Inch'Allah. Fin de cette citation. Et il dit, le Cheikh Abdus Salam, pour terminer, voici, en voulant dire, on a mentionné un nombre de citations choisies des paroles des salafs au sujet de l'invocation pour les dirigeants parmi les différents textes des salafs, et ça c'est suffisant pour celui qui a un cœur ou qui écoute alors qu'il est témoin. Donc ça c'est qu'est-ce qui conclut le livre de Cheikh Abdus Salam, Mu'amalat al-Hukam fi daw al-Kitab wa Sunnah. Il reste seulement une conclusion que le Cheikh a mentionnée. Il dit, c'est une lettre de la part de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qu'il a écrit à quelqu'un. Et dans cette lettre, il lui fait une nasiha. Il lui rappelle la nasiha envers l'attitude, comment on corrige nos dirigeants lorsqu'ils font des erreurs. Et il lui rappelle que la correction des erreurs, lorsqu'un dirigeant fait des choses qui sont pas correctes ou qui se trompent, que la façon comment on doit corriger ça, c'est qu'on doit le faire en secret et en privé, et non pas publiquement. Ensuite, il termine en disant, il dit, « Shazaratun min durar as-salaf as-salihin muhdatun ila al-wulat was-salatin. Donc ça c'est des perles yani éparpillées des salaf as-salih qui sont offertes aux dirigeants. Et il mentionne dans cette parole quatre citations. Il dit, premièrement, oui, c'est ça. Donc, c'est des paroles qui montrent l'importance du rôle des dirigeants. Donc, il y a quatre citations. Donc, je vais pas les traduire parce que on les a déjà lues durant le livre. On les a déjà lues. Et on va juste lire la conclusion du Cheikh Abdus Salam. Je ne sais pas si on aura le temps de la compléter, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ce qu'on peut de la conclusion, puis on va s'arrêter disons, on va continuer peut-être 10-15 minutes pour lire la conclusion, et après on s'arrête. Inch'Allah, puis ça va être la conclusion de ce livre. Inch'Allah, et on espère que ça a été bénéfique pour nous tous, comme ça l'a été énormément pour moi-même, donc j'espère que ça l'a été aussi pour tout le monde. Le Cheikh, il dit « Khitam al-Kitab ». Il dit « Hada khitam al-Kitab mu'amalat al-Hukkam fi daw al-Kitab wa sunnah. Huwa kama tara, ayyuha sunni, mali'un bi adillat al-Kitab wa sunnah wa athar al-Salaf wa aqwal al-Ulama. به يهتدي من كان محبا للحق مقدما له على كل شيء كما به يشرق من كان مريضا بداء الغل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يرقب تفككها يرقب تفككها وينشد تمزقها. Donc, il dit, ici, ça c'est la conclusion du livre, le comportement envers les dirigeants selon la lumière du livre et de la sunna. Et comme tu vois, ô toi qui es sunni, c'est un livre qui est rempli de preuves du Coran et de la sunna et des paroles des salafs et des paroles des ulama. Et par ce livre, et par ce qu'on a mentionné comme preuve, quelqu'un qui aime la vérité va être guidé. Celui qui met au devant de lui-même le Coran et la Sunna devant toute chose, hein, il va être guidé vers la vérité. Il dit, comme celui qui cherche la vérité parmi les gens qui sont malades et qui ont été touchés par la haine et la rage ou la colère contre la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui attendent à ce qu'elle se déchire et à ce qu'elle se divise. Il dit wa laqad katabtu hadha al-kitab lillahi azza wa jalla wa inni la arjuhu fi afdali a'mali iz bihi azubbu an aswar al-ummati an تسلم وعن أبنائها أن يتخطفهم شياطين الجن والإنس. Donc il dit que j'ai écrit ce livre pour Allah, c'est-à-dire c'était mon intention, c'est de plaire à Allah, et c'est en lui que j'ai mis mon espoir, et je pense que c'est, hein, j'espère que c'est une de mes meilleures œuvres que j'ai écrit. Il dit parce que dans ce livre je défends les clôtures de la Ummah pour pas qu'elles se brisent et pour protéger les enfants et les fils de la Ummah pour pas qu'ils se fassent attrapés par les diables parmi les djinns et les hommes. Katabtu hadha al-kitab himayatan lil ummati min al-fitan wa sinayatan lil aqidati an tukhdash. Il dit, j'ai écrit ce livre comme une protection pour la Ummah contre les tribulations et les fitanes, les épreuves et les égarements, et comme une protection aussi pour la aqidah, pour pas qu'elle soit détruite ou troublée. Il dit « Laqitu nasaban fi bahthi masailihi wa tahriri fawaidihi wa qtinasi awabidihi hatta jaa jami'an lima lam yujma' qablahu fi kitab. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Il dit que je me suis beaucoup fatigué dans l'écriture de ce livre pour réunir tous les différents points et ramener tous les points bénéfiques et tout ce qui est relié avec le sujet et pour en faire un livre dans lequel on retrouve réuni ce qu'on n'a pas trouvé dans aucun livre auparavant. C'est-à-dire que c'est un rassemblement de preuves que tu ne trouves pas dans d'autres livres. Donc il dit que c'est dit, il cite le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dit, c'est pour la grâce d'Allah et pour sa miséricorde. C'est de ça que vous devez, c'est de ça qu'ils doivent se réjouir. Car c'est mieux que ceux qu'ils réunissent ou qu'ils rassemblent. Il dit فَلَمَّا نَشَرْتُهُ لِلنَّاسِ أَثْنَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْفَضْلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَطُلَّابِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَنْ شَافَهَنِي بِذَلِكَ كَالشَّيْخ مُحَمَّدْ إِبْنْ صَالِحِ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَتَبَ عَنْهُ كَالْأَدِيبِ الشَّيْخ حَمْدِ الْجَاسِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حيث كتب مقالا في جريدة الجزيرة بعنوان معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit, lorsque j'ai publié ce livre, les gens ont fait des éloges parmi les ulama et les tullab al-ilm et les gens du bien et du mérite ont fait des éloges au livre. Et il y en a parmi ces gens-là qui m'ont fait des éloges verbalement et qui m'ont dit que c'était un bon livre. Et ils citent par exemple comme le cheikh Mohammed, le grand alim Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Il dit qu'il y en a d'autres qui m'ont écrit ou qui ont écrit à propos du livre comme un des adibs des écrivains, le cheikh Hamd al-Jasir, qui a même écrit un article dans le journal Al-Jazeera intitulé Mu'amalatul Hukam fi daw al-kitab wa sunnah. Non, c'est pas la télé, c'est un journal. Il existait avant que la chaîne Al-Jazeera existe. Et il existe encore, je crois. C'est un journal, ça n'a pas rapport avec la chaîne de télévision. Il dit « لقد تضمن الكتاب عقيدة الحق عقيدة السلف في معاملة حكام المسلمين بعيدا عن الغلو المذموم والتفريط المشؤوم فاشتمل على 10 فصول أراها لمت شتات الموضوع وهي بين يديك في فهرسة الموضوعات بيد أن أهم ما جاء فيها أمور. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il explique qu'est-ce que contient le livre. Il dit qu'il contient la aqida de vérité et la aqida des salaf sur la façon d'agir envers les dirigeants musulmans, loin de toute forme d'extrémisme blâmable et de laxisme détestable ou mauvais. Il a dit que le livre était divisé en différentes sections, en 10 sections, puis il explique ce que chaque section contient comme explication, et donc c'est comme s'il résume tout ce qui a été dit dans chaque section du livre ou dans les parties les plus importantes. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En fait, il était parmi les... Il était Al-Fudayl ibn Iyad. Ça, c'est quelque chose d'étonnant à propos de cet imam. C'est qu'il faisait partie des bandits, en fait. Il était dans un... Il faisait partie d'un groupe de bandits. Ouais. Il faisait des vols de caravanes. Et il attaquait les caravanes, il volait les caravanes avec un groupe de criminels, de bandits. Et même si c'était un musulman, il faisait ses 5 prières par jour, il faisait le jeûne. Hein? Mais il s'est repenti par la suite. Il s'est repenti par la suite et puis il est devenu un savant, il est devenu quelqu'un de bien. Donc c'est pour montrer en fait que... C'est pour dire que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, yukhriju al-hayya min al-mayyiti wa yukhriju al-mayyita min al-hayy. Il fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Tayyib. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera, un nouveau livre la semaine prochaine. J'ai pas encore déterminé quel livre ça sera, mais Inch'Allah, je vais faire l'annonce très bientôt et le nouveau programme de l'été va être mis en ligne, Inch'Allah, parce que étant donné qu'on est dans les vacances, donc on va profiter le plus possible, Inch'Allah, pour faire plus de cours. Donc Inch'Allah, je vais faire un nouvel horaire pour que ce soit profitable et bénéfique, Inch'Allah, pour tout le monde. Et donc, étant donné qu'on a conclu le livre aujourd'hui, eh bien, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le bien, le tawfiq, de comprendre ce livre et de le mettre en application, et que ce soit une cause de guidance de beaucoup de musulmans qui ne connaissaient pas justement le comportement à avoir envers les dirigeants selon le Coran et la Sunna et la compréhension des salaf al-salih. Et donc que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en science bénéfique et en action, en bonnes œuvres, et qu'il nous donne l'ikhlas, la sincérité dans nos paroles et dans nos actions. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين